cette fois c'est mort. Qui va sauver Cochrane? Qui peut niquer la faucheuse à part un nécrophile? Me raconte pas de salage, laisse ça aux végétariens. Qui peut comprendre mes idées à part des martiens? Et dans le pire des cas, qui est là? Si je tombe, qui m'aidera? Qui me laissera? Dis-moi, y'a personne moi qui quitte mes pas. Je m'en bats les couilles de qui m'aime ou qui ne m'aime pas. Parle en face, ou bien ne clique pas. Écoute ces phrases et retiens qui te parle. Qui vient pour kicker ça? Et qui adhère? Y'a qui debout? Et qui adhère? Justice politique, c'est qui le plus crade? À part moi-même, qui me jugera? J'écoute pas ce que ma télé radote. J'croque la vie à plein temps, mais qui va payer la note? On leur bouleverse, c'est violent. On leur bouleverse, c'est violent. C'est violent. C'est violent. Dis-moi qui se déplace. Major en l'air quand les qui se dépasse. Qui parle mal, vas-y clique partage. Qui se traque, t'as pas de punch. Qui te rap? Le peu d'argent dans les poches, le claquantise. Faut mieux marcher seul qu'avoir des potes qui ralentissent. Triste époque, l'amour s'achète en vitrine. J'ai vu des femmes transformer des potes en victimes. J'fais ma route sans savoir où elle me mène. Schizophrène, là j'suis en fuite avec moi-même. En manque d'aspie, sortir des rimes ça casse tête. Scoussi, j'reste simple et vise casquette Gucci. Ma vie pas en fuite, y'a pas de dispoto. C'est pour tous ceux qui sont partis trop tôt. Tu pourras me voir en Mercedes, mais j'ai pas de mi-père. J'tourne en rond, mais j'arrête pas de mi-père.